du bat balzak, doch füße der Knomme, wo Bruder dort dein Sack, doch füße war liebe, halber an ihr Trinki, se Mame, ich schare, bis damit sind ganz ich dir, wir dollen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest Rien Nouveau. Et on va maintenant, aujourd'hui, instamment sous peu, dans le pays des Magyars, la Hongrie. Salut Souris. Salut Milky et puis salut tout le monde. Tout le monde deux fois pour que ce soit vraiment tout le monde. Oh, t'as vu, on commence fort aujourd'hui. On commence fort. On est inspiré là. C'est le dimanche, c'est ça? Dimanche soir, c'est l'hiver. Voilà. Oui, parce que là, au moment où on enregistre, en effet, c'est dimanche soir, journée bien glauque d'ailleurs, C'est ici. ça, complètement. C'est peut-être pour ça, on a le cerveau un peu endormi, on va dire. Et ça va, il a pas plu. Ah Ouais. oui, écoute, chez moi, si. Mais, oui. Bon, allez, on va arrêter avec la météo là. Ouais, on va commencer avec un groupe qui s'appelle ETA. ETA. Ouais. Alors par contre, j'ai jamais trouvé ce pourquoi, enfin quoi correspondaient les lettres, hein, malheureusement. Quoi. Parce que tout le monde se doute bien que quand on va sur Internet et qu'on tape ETA, c'est pas le groupe hongrois qui ressort. Tu m'étonnes. Donc voilà. Ouais. Et du coup, c'est un groupe fondé en 80, qui a splitté en 83, donc existence pas très très longue. Et à leur début, du coup, ils faisaient principalement en fait des reprises de groupes comme Sham 69, UK Subs, Damned, etc. Et du coup, aujourd'hui, eh ben, on va jouer Gierunk, qui la reprise de Come On, Come On de Sham 69, Hurry Up, Harry. Hosszú világot, ó, rossz kép a nama, ó, mafiázod ma. Egész este reméltem, hogy megmenekülök, reggel arra ébredek, hogy nem töltötök, s mi fogad e helyet, lopogokkal ébrede. Gyerünk, gyerünk, ásd elő a tankot. Gyerünk, gyerünk, hozz új virágot, ó, a Yankee Panama, ó, a mafia zuma. Hiába is reméled, hogy megszabadulsz, reménységtől ma ne nyomorulsz, s megjött a folytatás, a mankós felvonulás. Gyerünk, gyerünk, c'était ETA avec Gierunk, Gierunk, reprise de Sham 69. Et on va aller maintenant. Oh, ben non, j'allais dire à la ville, mais vas-y, je te laisse le faire. Je crois que c'est Cheguet. Cheguette, quoi, j'avais un doute. Cheguet, Cheguet, ouais. J'avoue que le hongrois, c'est très très spécial. Hein. Donc bon, Ouais. je suis un peu perdu comme toi là. Rien à voir avec le polac, rien à voir avec le Non. russe, rien à voir avec quoi que ce Wow, soit. Donc, c'est pas des Slaves, hein. ah non, non. Mais c'est ouais, le hongrois, ça n'a rien à voir avec que dalle. Hein. Donc Ouais, comme c'est ça, on ça. est. Ouais. C'est soit t'es dedans, soit t'es paumé. Hein. Ouais, c'est ça. Et le groupe s'appelle GPG. CPG, pardon. CPG, ouais. Coitus Punk Group, une légende en Hongrie. Hein. D'ailleurs, ils ont fait un concert il n'y a pas très longtemps, là, Ah oui? cet été. Ouais. Du coup, je crois que c'était une date anniversaire. Bah oui, vu qu'ils sont. Ouais. Et du coup, c'était apparemment un gros, gros truc. J'ai une copine qui était. J'étais un peu deg de D'accord. pays. Ouais. On ne peut pas être partout. Hein. Bah non, c'est ça. Et donc, ouais, c'est un groupe très, très, très connu en Hongrie, qui a été formé en 79 quand même. Et puis, bah, direct en 83, déjà, trois des membres qui se sont retrouvés en prison parce que, à cause des paroles de leur. Ouais, à cause de leurs paroles, quoi, qualifiées d'anticommunistes et d'anti-soviétiques, ce qui n'était pas bien difficile, hein, à l'époque, de se Ouais. retrouver dans ce genre de Bye bye, situation. ouais. Ouais, donc voilà quoi. Donc ils ont fait de la prison et alors après il me semble qu'il y en a un ou deux qui ont réussi en fait à s'enfuir de la Hongrie quoi. Ils sont partis Ouais. pendant pas juste ouais pendant quelques bonnes années à l'ouest quoi. Ouais. Le temps que ça se Voilà calme. voilà. Hein? Le temps que ça se calme. Bah le temps que en gros le communisme enfin que la dictature là-bas tombe et puis que qu'ils puissent revenir sans se retrouver de nouveau en prison, j'imagine quoi. Ouais. Tout ça parce que tu fais de la zik et que t'es punk, quoi. Ouais, mais en même temps, ils disent des trucs anticommunistes. Ah, les vilains, Ouais, oh. on peut pas les comprendre, quoi. Bah Comment ils vivaient à l'époque dans ces putains de pays, ouais. quoi, putain. N'importe quoi. Et le morceau, c'est un morceau d'Halloween, il s'appelle Boubou. Ouais, bou, bou. Et alors, je serais incapable de le traduire, et bien entendu, pour trouver la traduction, tu peux oublier, hein. Je pense que c'est vraiment. Je pense que c'est même peut-être juste l'onomatopée, puisque ça Ouais. commence en fait avec ça, quoi. Ah, c'est vrai, bah c'est le Écoute, morceau de ça sera mon. Ça ton sera morceau d'Halloween. ma théorie. Ouais, c'est bien. Voilà. Nous venons d'écouter Coitus Punk Group avec le morceau Boubou. Comment tu dis ça? Boubou. Et c'est parti pour aller dans les années 80 à Budapest. Ouais, on reste un peu dans les vieilleries là. Hein. J'ai fait une petite émission avec des groupes. Je À fais la l'ancienne. rétro années 80. Je crois que le plus récent c'est 90 là, de ce que Ouais, j'ai j'ai. l'impression, ouais. Ouais. Et donc, ouais, le groupe, c'est TZS Mech à Tobiek, je ne sais pas trop, qui a priori veut dire Caporal et les autres. Un groupe donc des années 80 de Budapest. Et comme presque tous les groupes punk de l'époque, bah, ils n'étaient pas autorisés à enregistrer. C'était pas Ouais. possible. Du coup, tout ce qui est trouvable, souvent, bah, c'est, ouais, moi en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est une démo grossière et illégale, bien entendu, enregistrée à l'arrache, et aussi un enregistrement vidéo d'un petit peu meilleure qualité que la police communiste a pris au festival Total 85. Donc c'est marrant, en fait, un des meilleurs supports pour voir ce groupe, bah, c'est une vidéo des flics, quoi. C'est classe. Et donc le morceau qu'on va jouer, c'est Zuhanchte Bombazo. Je n'ai aucune idée de si je le prononce correctement, mais en tout cas, la traduction que ça donne en français, c'est un petit peu zarbi, et ça veut dire tombe, espèce de bombardier, quoi. Souvent, j'ai remarqué que les traductions, hein, ça sonnait pas très bien. Ouais. Écoute, voilà, on a, voilà, les gens ont le, on va dire la signification générale. On va dire ça comme ça. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. C'était Dizdez Tobiac avec le morceau Obiec. Tobiac, pardon, Zouage de Bombazo. Et Dont on on ne va. connaît pas trop la traduction, Non, hein. toujours C'est de pas. la traduction, là, mot à mot. Bon, voilà, le mot à mot, comme on disait, hein, c'est approximatif, quoi. Hein. C'est ça. Bah, vas-y pour la suite, hein. Alors, donc, je demanderai aux gens de me pardonner puisque je ne sais pas dire 88 en hongrois. Donc, le groupe, c'est 88 AS Tsoport, un groupe de 84, et le morceau, c'est Beton Jungle, la jungle de béton. Az emberek C'était 88 AS Sopor avec le morceau Beethoven's Schuggel. Wow, putain. La suite, ça va être beau. En tout Oui, cas, on va à pêche. on va à pêche, ouais. Donc, le groupe, en gros, le plus récent de cette playlist, hein, puisque lui, il n'est pas des années 80, mais de 1990, attention. Et alors, ouais, en effet, pour lire le truc, faut s'accrocher. Je me lance. Et Courage. cause napi, chalo ta choc. Et qui signifie donc les déceptions quotidiennes. Ça doit être plein de joie de vivre encore. Et alors, il y a des lettres en fait dans les deux mots là, qui sont mises en majuscules. Et en fait, c'est parce que quand tu lis ces fameuses lettres en majuscules, ça signifie merde en hongrois. Voilà. Oula. C'est la petite anecdote. Et le Pixai. morceau. Hein? Pixai, du coup, ça veut dire merde. Bah écoute, oui, c'est ça, quoi, avec le H, ouais, pish, pish, Ah, avec pish. le H au début, il compte aussi, d'accord. Ouais, il y a HPICS. Alors, bonne chance pour prononcer ça, ouais. Ah, pichard, ouais. Ah, il y a le A aussi. Ah, il y a le A aussi. Ouais, pichard, pichard. Ok, allez, on va arrêter nos conneries. Et donc, ouais, le morceau qu'on va jouer, c'est A Terrorista Vichater, qui veut dire le retour des terroristes. Pam C'était Etozai Pichajisuzok avec le morceau A Terrorista Vichater. Non, mais c'était trop compliqué pour un dimanche soir. Là, j'avoue qu'il est chaud celui-là. Et nous allons retourner du côté de Budapest avec Anti-Military Demonstration. Ah, tu vois, celui-là, il était Ça, c'est facile. simple. Ouais. Voilà. AMD, groupe de 87, et le titre Tiltot Zona, qui veut dire zone interdite. Thank you. C'était AMD Anti-Military Demonstration avec Tilted Zona. Et on va rester à Budapest avec Hysteria. Ouais, un groupe de la fin des années 80. Et oh, purée, ça aussi, ça a l'air sympa. El Pushtit Akor, la maladie des trucs. C'était Hysteria avec El Pushtit Akor. Et maintenant, le prochain groupe, c'est Aurora. Ouais, alors c'est dommage que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le groupe en lui-même. Parce que c'est pareil, c'est un groupe qui était quand même assez connu en Hongrie. Qui va aussi, enfin, qui, il y a aussi le nom, on peut trouver soit Aurora tout seul ou alors Aurora Chirkalo, un groupe de Dior, et qui a été fondé en 83. Curé le titre, attention, je vais essayer de pas me faire une entorse de la langue. Egichemelies Haboro, je ne sais pas. Et qui veut donc dire la guerre d'un seul homme. pusztul kell majd mindannyian. Egy személyes háborúban pusztítom magam, de Isten verte tévojdában életfogytiglan. Egy személyes halálbrigád, kiírtom magam! Háborúban pusztulunk el majd mindannyian. Egy személyes háborúban pusztítom magam, de Isten verte tévojdában életfogytiglan. Avec Eji Chemeliès Abourou. Et on termine cette émission avec le morceau, avec un morceau d'un groupe éponyme qui se fait Et nous terminons cette émission avec Radia et le morceau éponyme, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est ça, Radia Radia. Ouais. Et donc voilà, c'est bien les Hongrois. Et ouais, un groupe fondé en 87 à Miskolc. Bezárul, Radia! Menekülj hátul, Radia! Velem csak észre Rozia. Elég volt vége Rozia. Én nem szerettelek Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci Souris pour la préparation et la co-animation de cet épisode. Eh ben, avec plaisir. J'espère que tout le monde a apprécié ce petit trip dans les années 80 hongroise. Ah ouais, c'est clair. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Restez à l'écoute car la voix de la Hoï ne s'éteint pas. Bisous. Salut.